Laisse-moi partir. Je t'aime à la folie. Je veux qu'on s'arrête. N'essaie pas de me retenir. Je veux quitter la barque avant qu'elle ne craque. Je t'ai appelé parce que j'avais des thunes à prendre. Qu'est-ce t'as cru m'apprendre à part signer, tirer des putains de sortir le pompe quand ça va pas, quand ça va plus, quand ça va peu. Tuer les hommes pour de la cocaïne et des histoires de bœufs. Pourquoi j'écris, pourquoi je pleure, pourquoi je rêve, pourquoi je vis, pourquoi je meurs comme l'arbre à l'ancienne. Pourquoi j'écris, pourquoi je pleure, pourquoi je rêve, pourquoi je vis, pourquoi je meurs comme l'arbre à l'ancienne. Pourquoi je pleure, pourquoi je rêve. Quitter le bendo, faut taffer pour grailler, ranger son grenaillé, vous sortir du ghetto, se marier à une femme et fonder un foyer, lui dire que je l'aime trop. Des mecs comme moi, t'en trouveras pas de sanka. Les mains faites pour l'encre avec un peu de sanga. Je vais nous sauver la vie comme des héros de manga. Ce soir je ne pourrai pas faire les lèvres de la nuit. J'ai tellement peur d'entendre ces bruits. Pourquoi j'écris, pourquoi je pleure, pourquoi je rêve. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs comme l'arbre à l'ancienne. Pourquoi j'écris, pourquoi je pleure, pourquoi je rêve. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs comme l'arbre à l'ancienne.